Europe Connection. Europe Connection. De Alexandra Badea. D'abord le plagiat. Tu choisis une revue spécialisée. C'est un scientifique connu qui signe le papier. Vous avez financé son laboratoire à hauteur de 200 000 euros. Mais ça ne se verra pas, car t'es passé par une ONG partenaire. T'es pas con du tout. Tu t'es formé dans des grandes écoles. Rien n'est laissé au hasard. Ton chercheur s'énerve, il dément, il dénonce une conspiration. L'étudiant qui avait commis le plagiat est dans l'enseignement maintenant. Lui, il ne t'intéresse pas, il fait partie des dommages collatéraux. Quand une grande tête tombe, il y a tout un domino derrière. Et ton chercheur, au lieu de tenter de dénigrer les pesticides qui nourrissent un monde affamé. Il ferait mieux de lire les papiers de ses étudiants. C'est comme ça. On peut pas être partout à la fois. L'article est repris dans la presse nationale et ça fait un tabac. Mais comment il peut encore parler de son étude, de ses rats, de substances cancérigènes qui traînent à l'intérieur des aliments? Il doit plaider sa cause. C'est lui l'accusé maintenant. Tu n'as fait que renverser la donne. C'est l'affaire la plus médiatisée du mois. Ton chef te félicite. Tu es sur le point de sauver toute une industrie. T'es un Superman en quelque sorte. Un dimanche, t'es avec tes gosses en voiture. Tu les emmènes à Aqua Boulevard. La radio tourne et une voix grave annonce le suicide de l'ancien étudiant. Les gosses font du bruit avec leur console, tu leur cries dessus et tu augmentes le volume. Il s'est pendu dans son salon. C'est sa fille qui l'a retrouvé mort. Ça te donne des frissons. Ton petit demande ça veut dire quoi, pendu papa? Et le grand ajoute, tu le connaissais, toi? On passe les messes solennelles de Beethoven. Les gosses se taisent, tu te tais aussi. Vous êtes bien comme ça. Ce qui te marque le plus, c'est l'histoire de la fille. Tu la vois et la revois rentrer à la maison et tomber sur le corps pendu de son père. Tout ça pour une minable affaire de plagiat qui serait restée enterrée dans les archives d'une université si t'étais pas passé par là. Pour une fois, tu vois ta victime devant toi. Les agriculteurs empoisonnés, les victimes de cancer, c'est indirect. C'est pas forcément toi. Mais là, il s'agit d'une fille qui rentrait tranquillement de l'école. Tu parles à ta femme, elle t'écoute. Une larme coule sur sa joue. Elle te caresse la tête et elle te dit... Le suicide, c'est maladif. On le fait pas comme ça. Il était de nature dépressive. Un jour ou l'autre, il l'aurait fait, de toute façon. C'est la fatalité. Rien à faire. Ces mots t'apaisent. La fatalité. T'as rien à faire. T'es juste une bobine dans une énorme machine qui ne peut plus être maîtrisée. Et même si tu t'arrêtes, la machine continue à broyer. Alors tu décides de continuer. Tu regardes tes enfants et tu te dis qu'ils ont le droit de rentrer tranquille de l'école. Plus personne ne parle du plagiat. Ton chercheur se tait un peu, mais au bout de quelques mois, il continue avec ses rats. Tu le laisses un peu tranquille pour l'instant. C'est le bon moment pour annoncer les résultats de l'étude scientifique des bienfaits du bio. C'est comme prévu, bienfait zéro. Les experts ont bien analysé les données, ils ont rédigé un rapport. Tu l'as vu, tu l'as relu, tu l'as fait remonter, valider, avec un ou deux changements. Et maintenant, c'est lancé. Entre un fruit et un légume bio, et un fruit et un légume traité aux pesticides, il n'y a pas de différence notable sur la santé. C'est dit comme ça, et ça passe. La seule différence se joue sur la viande traitée aux antibiotiques. Avec le temps, une surconsommation peut entraîner une résistance aux médicaments. Et comme ça, les gens sont contents. Ils ont une petite alerte qui crédibilise le reste. Il y a eu négociation avec les lobbies de la viande bio. Ils ont financé l'étude à vos côtés. Ils devraient y trouver leur compte. Tu diffuses l'étude partout. Télé, radio, presse, internet, réseaux sociaux. Le contribuable est heureux. Il peut dépenser moins d'argent sans risque et à la fois combattre la faim dans le monde. Les commissaires européens sont sur le point de renoncer à leur loi. Alors toi, tu as la force de repartir sur ton chercheur. Tu avais noté sur un post-it jaune, vérifier s'il y a des races de rats disposées au cancer. 2 mois après, t'as la réponse, il y en a. Tu as vu alors le fournisseur du chercheur. Tu lui as promis ton appui sur un dossier qui passe en commission, un truc sur l'élevage des animaux destiné à la recherche scientifique. Et en échange, il t'a fourni un papier. Les rats de l'étude font partie d'une race disposée au cancer. C'est la fin du chercheur. Son laboratoire est fermé, plus aucun sou pour ses travaux. S'il accepte et s'il change d'objet d'étude, vous êtes prêt à le financer. C'est un type brillant, ça peut toujours servir à la bonne cause. Là, tu pars à Nice tranquille. Tu pars discuter de l'avenir du monde. Tes étudiants tout préparés, ça va faire pleurer les députés. Les enfants affamés du Sud ne peuvent pas être nourris dans un monde sans pesticides. Deux ou trois intellos vont appuyer la thèse. C'est pour la bonne cause, ne t'en fais pas. Et entre-temps, tu vas continuer à serrer des mains, à proposer des amendements, à bloquer des lois. Tout ça pour que tes enfants aient le droit de rentrer tranquille de l'école. C'était Europe Connexion de Alexandra Badea, enregistré dans le cadre des Chantiers Nomades, avec Christophe Hoquet et Marie-Lo Desmond. Musique et création sonore, Moon Sonic. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Jean-Michel Coqui et Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Chloé Mauduit. Réalisation, Alexandra Badea et Alexandre Planck. Remerciements à Céline Geoffroy et à toute l'équipe des Chantiers Nomades.